Bonsoir à toutes et à tous, amateurs de nouveautés musicales qui sortent un peu des sentiers battus et de monologues. Vous êtes sur la radio des Boutières, la radio ardéchoise, et vous écoutez Zik Actu, une émission officielle. Je veux dire par là qu'elle est accréditée par une direction, qu'elle est sur une grille de programme, tout ça. Mais si nous étions au début des années 90, ce serait tout autre chose. Zik Actu serait alors une radio pirate. Si Zik Actu était une radio pirate, je volerais l'antenne d'une radio locale à 20h02, juste après les infos, parce que quand même les auditeurs ont le droit d'avoir des vraies informations. Et si je faisais une émission pirate, j'aurais mon petit studio radio maison et un émetteur à 150 francs acheté chez Mammouth. Alors, à 20h02, je lancerai mon jingle. Et pendant une heure, je diffuserai de la musique qu'on ne trouve pas dans les supermarchés du coin. Je passerai des morceaux trop longs, pas calibrés, parfois trop vulgaires, parfois pas assez, trop violents ou trop mous. Mais j'éteindrai la lumière dans mon garage. Et j'imaginerai le visage des gens qui m'écoutent derrière leur poste, dubitatif peut-être, voire franchement révolté. Si j'avais une radio pirate, je ferais plein de monologues. Je m'écouterais parler, j'écrirais des intros à l'arrache, pas tout le temps, hein, des fois, jusqu'en j'ai le goût en fait. Et puis, j'écrirais ça genre 20 minutes avant de prendre l'antenne, grisé par l'euphorie du direct. Et puis peut-être qu'un jour, un titre parlerait à quelqu'un. Ce titre, il l'aurait jamais entendu ailleurs. Et ce modeste quelqu'un aura l'audace d'éteindre TF1 et de se jeter dans le monde des musiques indépendantes, ou pas, mais des musiques qui parlent, qui ont juste des choses à dire. Même si c'est pour dire n'importe quoi. Si j'avais une radio pirate, je serais le roi du pétrole. Enfin, non, justement, vu que je gagnerais rien et que de toute façon, j'ai rien à gagner. Donc je serais libre. Et si j'avais une radio pirate, je ferais ce que je veux quand je veux. Par exemple, je passerais Bolshoï de Soviet Suprême et je retracerais à la volée la carrière du chanteur, rappeur, entertainer nommé Erwan. Vous écoutez Zik Actu, c'est Bolshoï de Soviet Suprême. T'as le cou qui donne de l'huile, le dos du lait d'andine, t'as les yeux qui dégoulinent, remets bien ton poste, faut pas rester statique. Tes pieds décollés patinent, tes mains sont câlins câlines, tu chauffes comme la scarlatine, pour tes petits patins comme un élastique. T'aimes quand c'est danse, dans le Bolshoï, t'aimes quand ça tanque, dans le Bolshoï, t'aimes quand ça barde, dans le Bolshoï, jette l'âge, au goulag, t'aimes quand ça fouette, dans le Bolshoï, t'aimes quand ça claque, dans le Bolshoï, t'aimes l'opérette, dans le Bolshoï, jette l'âge. Au goulag, tu fais des points dans la discothèque, dansant tout de suite dans la jungle à sec, le lac des signes va sur un tétec. Oh, oh, tu cherches un mal dans un pitec, un protégé comme un architecte, bouge bien ton boule, remets ton bistec. Oh, oh. Plein de balinini, ta langue se délilili. Tu portes des slims et tu danses comme un délilili. Bouge bien ton boulot, gale, tu te ramollili. T'es pas en smart, orange ou en mini-nini. T'aimes bien la grâce, la graisse et le ciel ta kiki. Les dos dodo, réré, de taïti-titi. Les danses de balilili, de nami bibi bibi. Et quand te met en transe comme au malilili. T'aimes quand le bal, quand le bal, quand le bal balai. T'aimes quand le bal, quand le bal, quand le bal balai. T'aimes quand le bal, quand le bal, quand le bal balai. T'aimes quand le bal, quand le bal, quand le bal balai. We'll be right back. Allez au goulag, les auditeurs de Zik Actu. C'était donc Soviet Supreme avec un titre qui s'appelle Bolshoï, sorti sur l'album, le seul album de Soviet Supreme, qui est sorti l'année dernière, donc en 2014, qui s'appelle L'International. Et qu'est-ce que c'est Soviet Supreme ? Eh ben c'est tout simplement La Caravane Passe, un groupe français, avec Erwan, le chanteur de Java. Je vais m'attarder un peu plus sur son cas durant à peu près toute cette émission. Enfin, pas tout à fait, mais on y reviendra régulièrement. Et du coup, on va tout de suite s'intéresser à La Caravane Passe. La Caravane Passe, donc, c'est un groupe français. On écoute un extrait de leur dernier album qui s'appelle Gypsy for One Day. Et le titre s'appelle T'as la touche manouche. Est-ce que vous reconnaîtrez l'invité de ce titre ? Chao, zikos, gratteux, gadjo, briseur de cordes, alterno, reconverti, guitare héros, soulageur de démangeaisons guitaristiques, astiqueur de manches, pompeur de rythmique. On dit qu'au record Guinness, la guitare vitesse, y'a pas un radar qui peut te flasher l'index. Doubleur de croche, tricoteur, névrotique, joyeux, jazzeux, on voyage sur le riff. On rêve de bohème, de route, de Romain Michel, mais en fait on s'appelle Romain Michel. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. De la mélodie, de la métronomie rythmique, pendant que t'essaies de bouger tous tes gros doigts engourdis par le froid, le désir, la branlette et l'appui. Si tu n'as pas les mains dans tes poches, ni dans ton dos, tu n'es pas un carac, ni un métalleux métallo. Le feu qui crépite et qui brûle comme un chameau, le feu qui a tout cramé dans la caravane à Django. On rêve de bohème, de route, de romanichène, mais en fait on s'appelle Romain Michel. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super. À la mouche, ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Si on veut ta cartouche, ouais, bah, t'as l'ouche, ton kéno. Un matin, je me suis réveillé. Ma moustache avait poussé. Après m'être cramé deux doigts pour mieux jouer, j'ai décidé d'abandonner. Depuis, je fais des gammes au plumard. J'astique mon manche en manouche, air, guitare. Et je pense au palace et à ses bombasses, au hot club de français, aux caravanes qui passent. On a beau se la jouer comme Papi Django, mais la copie du génie, c'est souvent pas Jojo. Ouais. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent. Tu rêves d'être super manouche, un Django. Pêche à la mouche, oui, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche, oui, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche, t'as la touche manouche, t'as la touche manouche, t'as la touche manouche, t'as la touche manouche, t'as la touche manouche. C'était La Caravane Passe avec T'as la touche manouche. Et l'invité, vous l'aurez reconnu, c'était San Severino. Voilà, donc dans une ambiance jazz manouche pour ce morceau, mais c'est pas forcément toujours ça. Il y a toujours un délire un peu varié, en fait, un peu souvent Europe de l'Est, avec une tendance à l'international, on va dire. Et en parlant de jazz manouche, il faudra quand même que je vous passe les doigts de l'homme pour faire dans le local. C'est noté, ce sera fait. Et bon, c'est bien beau tout ça. Donc ça, c'est La Caravane Passe, c'est plutôt festif. Et moi, ce dont je voulais surtout vous parler, c'est d'Erwan. Et Erwan, c'est avant tout le chanteur, auteur de Java, un groupe que vous devez peut-être connaître. Rappelez-vous, sexe, accordéon et alcool, c'était leur devise. Et donc, moi, leur premier album m'avait beaucoup marqué. Il s'appelait Hawaii. Et le dernier titre s'appelait Mon Monde. On l'écoute tout de suite. Vous allez voir, ça va tout de suite calmer l'ambiance là. On était dans le trop festif. Il faut vraiment que. À 20h12, il faut calmer le jeu. Regarde-le, mon monde, son carnaval d'automates. Ça bouchonne dans la grande foire aux égouts. Regarde-le, mon monde, l'oppression grise, écarlate, ronge l'âme verte des badauds. Elles étaient sombres, tes nuits sans attache, ton cœur sans encre et l'orgueil qui t'arrache. Regarde-le, mon monde, il a le virus des affaires. Vois les couches de sel qu'il déverse sur nos cicatrices. Regarde-le, mon monde, dis-moi, es-tu toujours en colère? Dans ta dernière révolte, tu nous quittais le jour du Christ. Elles étaient sombres, tes nuits sans attache, ton cœur sans encre et l'orgueil qui t'arrache. Regarde-le, mon monde, qui décolore les nuages, presse les arbres nus dans des souterrains. Regarde-le, ce monde, et l'orgie, tout ce qu'on cache. Tu décollais sur l'opulence vomie des magasins. Elles étaient sombres, tes nuits sans attache, ton cœur sans encre et l'orgueil qui t'arrache. Regarde-le, mon monde. Regarde-le et dis-moi, est-ce qu'on est mieux là-haut? C'était Java avec Mon Monde, le dernier titre de leur album Hawaii, leur premier album. Finalement, c'est tout aussi dans l'air du temps que de bouger son boule dans la neige. Voilà, pour plomber un peu l'ambiance, donc on va rester dans ce côté-là, un peu voilà, chanson en français qui s'interroge, on va dire, avec Dominique A. et un titre qui s'appelle Eleor, qui sera sur son prochain album qui va sortir en 2015. Il y a déjà deux singles. Et voilà, moi, Dominica, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'ai vu en concert et que je recommande chaudement en live. Et c'est un autre véritable auteur de la chanson en français, un autre auteur que Erwan. On reviendra à Erwan plus tard. On écoute Eleor de Dominique A. Canal à traverser, rejoignez-moi à Eleor. Avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi. Pendu au pater et l'immuable pour bréviaire, les tracés blancs sur la chaussée, fourmillement de mille pensées. à ciel ouvert. Où vont les figurines pressées? Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi. Ah, Eleor, avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi. Longue semaine à négocier. Oh Dieu, que ce silence rend fou. Dans la brume en pièces détachées, qu'avons-nous encore à cacher? Quand il reste si peu de nous. Oh Dieu, que ce silence rend fou. Quand délibère nos cellules, comme alors l'air est minuscule, même l'air. Quand de tout vous serez lassé, juste un canal à traverser, rejoignez-moi. La vie ne se défile avant de gagner l'autre bord. Rejoignez-moi. Dominica avec une magnifique invitation à Eleor. Eleor qui sera le titre de son album, donc à surveiller de très près. Moi je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment très classe chez Dominica, et particulièrement sur ce titre là, une prestance. Et voilà, donc vraiment un artiste à suivre. Et si j'avais une radio pirate et qu'on était au début des années 90, je crois que je vous passerais du MC Solar, quand même. Mais avant tout le monde, en fait, avant que ça sorte à la radio et que ça soit matraqué, moi je l'aurais trouvé un peu, voilà, en vinyle. J'aurais, voilà, acheté ça sous le manteau et j'aurais passé ça avant tout le monde sur ma radio pirate. Et. Mais malheureusement, nous sommes en 2015 et en 2015, eh ben, pour écouter MC Solar, eh ben, il faut écouter Trio finalement. Trio qui vient de sortir un album de reprise qui s'appelle Né quelque part et qui reprend Victime de la mode de MC Solar. Clap, prise 1, vision panoramique. Une caméra avance, gros plan sur Dominique. Seule devant la glace, elle ausculte son corps. Puis crie machinalement encore quelques efforts. Tous les régimes sur elle furent testés. Toutes les tentatives ont été des échecs complets. Mais elle persévère et pour plaire à son homme, Dominique a décidé de suivre la norme. Elle en magazine, des magazines dans lesquels elle pense trouver le recours ultime. Mazo à l'assaut de ses formes rondelettes. Elle était occupée à couper du PQ quand lui pique les fesses. Victime de la mode, tel est son nom de code. Victime de la mode, tel est son nom de code. Lumière SM2, l'as de trèfle lui propose une toute nouvelle donne, en voici la cause. Tellement d'efforts et pour quelle raison? résultat, elle perd de l'oseille au lieu de perdre du poids. Dominique réplique et très vite m'explique qu'elle veut être la réplique d'une créature de clip. Ainsi font, font, font les petites filles coquettes. Elles suivent un modèle qui leur fait perdre la tête. From London to Washington, Kingston, Charenton ou Carcassonne. Quand le téléphone sonne, elle répond sans cesse qu'elle était occupée à couper du PQ car on lui dit qu'elle est fesse. Victime de la mode, tel est son nom de code. Oh là là là là là là. Victime de la mode, tel est son nom de code. Oh là là là là là là. Donc, en guise de conclusion, à l'analyse logique de cette situation, le régime, le jogging, la liposuction sont à tester, mais il faut faire attention. Espérons que vous avez compris les bases très claires de ce code de déontologie. Prendre ou perdre quelques kilos, l'essentiel est d'être vraiment bien dans sa peau. Attaque tic, attaque tout éthique avec tact. Dominique, pas de panique, écoute bien ce funky beat. La quête de l'image la laisse dans le stress. Elle était occupée à couper du PQ car on lui pique les fesses. Victime de la mode, tel est son nom de code. Oh là là là là là là. Victime de la mode, tel est son nom de code. Oh là là là là là là. Victime de la mode, tel est son nom de code. Oh là là là là là là. Victime de la mode, tel est son nom de code. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Elle était occupée à couper du PQ car on lui piquait les fesses. Elle était occupée à couper du PQ. Victime de la mode, tel est son nom de code. Oh là là là là là là. Victime de la mode, tel est son nom de code. Vous écoutez Trio sur Zikactu. Et c'est un bel hommage de Trio donc à Monsieur Solar. Et je disais tout à l'heure, donc ça nous replonge dans les années 90, mais l'avantage d'être en 2015, c'est qu'on peut fédérer une communauté sur Facebook par exemple. Alors cette communauté, elle est parfois silencieuse, mais parfois pas. Par exemple, cette semaine, j'ai reçu quelques messages, notamment de Sabine sur Facebook, qui m'a proposé de parler d'un groupe qui c'est autour d'un auteur qui s'appelle Louis Delort. Et le groupe s'appelle donc Louis Delort and the Chippers. Et en fait, c'est un groupe qui passe au Puy ce vendredi, donc le vendredi 6 février. Donc si vous êtes du côté du Puy et si ça vous plaît, vous pouvez aller les voir en concert, parce que c'est encore la meilleure façon de se faire un avis, d'avoir un avis sur les artistes, tout simplement. Donc merci Sabine pour ce partage. On écoute Louis Delort and the Chippers. C'est issu de l'album et d'un album éponyme. Et le titre s'appelle Outre-Manche. J'ai choisi ce titre-là, il m'a bien plu. Et voilà, comme Sabine, n'hésitez pas à partager vos découvertes sur la page Facebook Zik avec un K, Actu RDB comme la radio des Boutières. Outre-Manche. Ce soir, je veux changer d'un fil. Je vais faire chauffer la platine, m'envoler avec Led Zeppelin. Je vais faire craquer les vinyles. Un saphir qui sillonne les colères de Lennon. Quand je veux passer outre-manche, je prends la route à contre-sens. Mais si dans la nuit s'éternise les moody blues and white satin, j'ai mon plan B sur la platine et mon saphir rayonne. Harrison. Quand je veux passer outre-Manche, je prends la route à contre-sens. Je prends la route à contre-sens. J'ai 45 tours dans la Manche. Ce soir, je file à l'anglais. Je vous laisse entrer dans la France et prendre la route à contre-sens. Vous écoutez Louis Delors and the Shepherds, un groupe que vous pouvez retrouver au Puy-en-Velay le 6 février. Voilà, de la pop française assez chouette et bien exécutée, conseillée par Sabine. On continue dans un tout autre registre, mais toujours un morceau conseillé par une auditrice. Cette fois, c'est Chacha. Et il s'agit d'un morceau qui s'appelle Balma, de Mahati Bahani, une artiste indienne, avec des featuring tout autour du monde. Écoutez ça. Bye. amour au petit jour. Quand on ouvre les yeux et qu'on est plus vieux, c'est là qu'on s'accepte pour toujours et qu'on sera toujours tous les deux. Car oui, mon amour au petit jour. Quand on ouvre les yeux et qu'on est plus vieux, c'est là qu'on s'accepte pour toujours et qu'on sera toujours tous les deux. Un plus un plus un plus un serait plus d'amour à la fin. C'est donc un morceau que nous a conseillé Chacha, enfin que voilà, qu'elle m'a recommandé et que donc je vous ai passé, qui est en fait à l'initiative d'une chanteuse indienne qui s'appelle Mahati Bahani et qui a décidé de faire un titre tout autour du monde, donc essentiellement par Skype et par envoi de musique par internet. Et voilà, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que notre époque permet de faire des choses comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de musiciens qui ne se sont jamais rencontrés et qui ont fait un morceau ensemble. Et ce qui est chouette, c'est cette richesse des timbres qui en ressort, la richesse des langues aussi, des différentes langues, et puis des différentes langues, et puis voilà, entendre de la clarinette, du sitar indien, c'est un magnifique instrument. Et tout ça, ça nous change un peu de la guitare finalement, parce qu'il y en a un peu marre de la guitare. Voilà, et tout à l'heure on écoutera du clavecin, tiens, pour changer. Ah là là, si j'avais une radio pirate, j'essaierais de rester attentif à la vie de mes 3 auditeurs. Mais j'ai pas une radio pirate, donc j'ai plus de 250 téléchargements par mois. Mais c'est colossal, me direz-vous, sur le podcast en tous les cas. Et je compte pas ceux qui téléchargent directement sur le site de la radio des Boutières, parce que c'est aussi possible. Et je sais pas combien vous êtes écoutés maintenant. Et cette communauté, donc, elle existe, elle est là, elle est plutôt silencieuse, mais en même temps je comprends, moi aussi je fais partie des minorités silencieuses, enfin des majorités silencieuses, et voilà, tout simplement pour vous dire que il faut pas hésiter à vous manifester, proposer de la musique, à donner un petit retour sur l'émission, genre ce soir c'était super nul, arrête de monologuer, et ça me ferait en tous les cas plaisir d'avoir vos retours. On se replonge dans notre fil rouge avec Erwan, il a sorti 3 albums solo, 3 albums avec Java, un album avec la Caravane Pass, et j'en oublie sûrement. Et sur ces 3 albums solo, il y a 2 albums qui s'appellent Radio Cortex 1 et 2, qui épluchent un peu le thème de la radio pirate. Voilà, si vous mettez tout au bout de la bande FM, après 108, vous pouvez entendre la Radio Cortex. Et sur cette radio, il peut se passer n'importe quoi. Et donc tous les titres sont super différents. Vous pouvez notamment entendre un morceau incroyable qui s'appelle Coin Coin. Disneyland Park bat son plein. Ça grouille de touristes en short avec de vilains bambins qui hurlent pour être avec moi sur la photo. J'ai chaud, j'étouffe sous mon costume de pozo. Des musiques débiles bourdonnent à mes oreilles. On dirait Michael Jackson remixé par Yves Duteil. J'ai vraiment l'air con avec mon bec, mes pannes. Je suis amoureux de Minnie, elle couche avec Peter Pan. Depuis que je travaille à Disney, je suis sous cacheton. S'embrouille, je vais faire une pause dans la loge. Et là, je tombe sur Minnie à poil qui change. Oh non, c'est trop. Chante sur la souris. Daisy, Daisy Minnie. Sa petite voix d'abeille grésille dans ma ruche. Je prends l'épée du roi Arthur et lui fracasse la cruche. Minnie gît à terre, et là, stupéfait, je m'aperçois que Dingo nous observait. J'y envoie directement un coup d'épée sur le crâne. Trop tard, pas le temps de m'empêcher de déclencher l'alarme. Je crois qu'ils m'ont trop fait. J'ai pété un plomb. Depuis sors dans le parc, l'épée à la main. Me réfugie dans le train fantôme de Blanche-Neige et les sept nains. Je trouve la sortie, mais y'a le comité d'accueil. Toute la sécu m'attend avec Jojo l'écureuil. Je prends un moment l'otage, la foule s'écarte, je fraye. M'engouffre dans le labyrinthe d'Alice au pays des merveilles. Je traîne sur 100 mètres, mais de petits salauds mordent la main. Reviens, gamin! Je peux parcourir avec mes palmes, je le laisse, me noie au milieu de la parade des princesses. Juste devant moi, une vendeuse de ballons pétrifiée. Je pique tout son stock, lui mets un coup de bec. Je m'accroche au fil et là je décolle. Mais le royaume s'agrippe à mes basses quand je m'envole. D'en haut, je vois le chaos que j'ai laissé en bas. Le paradis des enfants ressemble à la pente de Gaza. Adieu, parc maudit, à moi l'Amérique. Merde, j'avais pas vu la cime de l'arbre magique. Je me prends violemment le haricot synthétique. Mon costume est coincé dans les branches en plastique. En bas, y'a plein de mecs bizarres qui se mettent à grimper. C'est qui? Les nouveaux méchants du prochain Disney? Approchez pas, mes gosses dingues. Je vous préviens, je vais sauter. Je suis dingue. Je vais sauter. J'ai mort. Depuis que je suis en enfer pour ma mauvaise conduite, je dois écouter en boucle cette petite musique. Depuis que je suis chez Satan, je me sens pas trop bien. Quand je sens la fin du temps, je tombe à vous coin coin. Bienvenue dans le paradis des enfants chez Mickey et ses copains. C'était Erwan sur les albums Radio Cortex. C'était coin coin. Et c'est vrai qu'on dirait un peu Michael Jackson remixé par Yves Dutheil, tout ça. Un peu comme le prochain titre. Le prochain titre, je le dédicace à la communauté, la minorité audible de Zikactu. Je pense notamment à Armand. Donc spéciale dédicace à Armand qui apprécie a priori ce titre. Ce titre, eh ben, pour le coup, c'est un peu la séquence autopromotion parce que c'est un titre qui va sortir sur l'album de Blake. Blake, le groupe dont je fais partie. Et voilà, ça me fait un peu bizarre de passer ma propre musique à la radio, mais bon, finalement, à un moment ou à un autre, je passe bien celle des copains, alors je peux bien passer la mienne, enfin la mienne, la nôtre, celle du groupe Blake. Donc c'est des mises en musique d'un poète anglais qui s'appelle William Blake, un poète du 18e siècle, première partie du 18e siècle. Le titre s'appelle The Cloud, The Pebble and The Bard. Et quand je vous avais dit que vous alliez entendre du clavecin, et ben c'est parti. An awful teasing fall is in an endless maze. Tenderous perplex the ways. How many have fallen there? Love's against not itself to bliss. No for itself of any care. But for another case it is. And build a heaven in hell's despair. Love's against she'll be there. Sing it. Vous écoutez donc Blake en exclusivité sur la radio des Boutières. Alors celle-ci, vous l'entendrez nulle part ailleurs. C'est donc extrait de notre troisième album qui est en train de sortir petit à petit sur Facebook et sur YouTube. Je vous explique le principe. En fait, on donne les pistes les unes après les autres et pour avoir la piste suivante, il faut atteindre certains objectifs. Par exemple, 500 vues sur la première vidéo, 20 nouvelles vues, 20 nouvelles mentions j'aime sur notre page Facebook et à chaque fois, donc les titres se débloquent comme ça. Et en fait, ce qui est génial, c'est que bah il y a une petite communauté qui suit et si vous voulez vous joindre à elle, et ben vous tapez Blake B-L-A-K-E sur Facebook. Peut-être sur YouTube ça marche aussi. Si vraiment ça marche pas, c'est que vous arrivez pas à trouver, parce que Blake c'est quand même le nom d'un grand poète anglais, vous pouvez taper Blake Art Project, tout accroché, Blake Art comme art, Project comme projet, et vous tomberez facilement sur nous. Voilà, pour ce troisième album qui s'appellera Heaven and Heaven et qui est en train de sortir. Il est là. On continue notre programmation avec un groupe qui s'appelle FM et qui est sous-titré New Popular Music. Et j'avais beaucoup aimé leur premier album. FM, donc c'est les initiales en fait du chanteur-compositeur, dont je ne me rappelle plus le nom. Mais j'avais beaucoup aimé le premier album parce que tout simplement, il y avait des arrangements qui me parlaient. Il y avait trois violons et un cor ou deux, et de la guitare et un songwriter devant, et c'était très très beau. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait un deuxième album qui n'était pas référencé au bon endroit dans Spotify, donc il m'était jamais apparu jusqu'à maintenant. Cet album s'appelle The Organ King et le délire c'est d'utiliser plein d'instruments à clavier en tout genre pour créer donc un album avec des sonorités pareil assez inattendues. On écoute Those Are the Things de FM New Popular Music sur l'album The Organ King. C'était FM New Popular Music, voilà, une petite merveille pop avec un goût pour l'arrangement et quelque chose des Beatles quelque part au fond, je sais pas quoi exactement, peut-être l'arrangement finalement. Voilà, c'est une actualité qui date quand même d'il y a 3 ans, cet album est sorti il y a 3 ans mais je l'ai découvert maintenant parce qu'en fait il était passé et il m'était complètement passé inaperçu. Et puis bon, en même temps c'est peut-être une émission sur l'actualité, mais si j'avais une radio pirate je m'arrêterais pas à ces détails. Hein. Voilà, c'est de l'actualité personnelle, puis je fais ce que je veux d'abord. En tous les cas, l'album est très beau. Je ne sais pas s'il détrônera le premier, mais il est très beau. Je vous le conseille, FM, les initiales, New Popular Music, et vous tomberez là-dessus. On continue avec un artiste local, local pour ceux qui écoutent en Ardèche, parce que il vient de Valence, ça s'appelle Ash Burns, il sort son nouvel album qui s'appelle Night Moves, et on écoute le titre qui ouvre l'album, Nowhere to Be. like I had nowhere to be. I hear the roaring thunderstorm. It doesn't matter to me. You see, I stand in the house right and watch the hurricane roll. I watch them butters fly out of their American cars. Oh, was your troubled mind a piece inside the storm? Like I had nowhere to be. I hear the roaring thunderstorm. It doesn't matter to me. You see, I stand in the house right and watch the hurricane roll. I watch them bodies fly out of their American cars. Oh, was your troubled mind a piece inside the storm? Oh, was your troubled mind a piece inside the crowd? Doesn't matter to me. You know I'm safe in the house, right? And watch the hurricane grow. I watch them bodies fly out of their American cars. Oh, was your troubled mind a piece inside the storm? Why do I always end up in a strange, strange boat? I'm being carried away. C'était Ash Burns, un extrait de son nouvel album Night Moves. Et ça, c'est pareil, c'est un artiste que vous n'entendrez pas partout. Alors l'artiste suivant, vous ne l'entendrez pas partout, mais c'est pour une autre raison. C'est pas qu'il est, on va dire, émergent. Et s'il est plutôt sorti depuis un moment, c'est Marilyn Manson. Mais à cause des paroles explicites. On écoute un extrait de son dernier album qui vient de sortir. L'album s'appelle The Pale Emperor. Et le titre Killing Strangers, c'est Marilyn Manson sur la radio des Boutières. This world doesn't need no opera. Here for the operation. We don't need bigger knife. Cause we got guns. We got guns. We got guns. We got guns. We got guns. You better run. Better run. You better run. You better run. We're killing strangers. We're killing strangers. We're C'est des titres de 5 minutes 30 sans les couper. Et ouais, quand on a une radio pirate, on peut tout se permettre. C'était donc Marilyn Manson, un extrait de son dernier album. On dirait un peu Tom Waits qui aurait mangé Jack White parce qu'il avait un petit creux, je sais pas, quelque chose comme ça. Je trouve vraiment ce morceau assez énorme. C'est l'ouverture de l'album et ça augure un très bon album. Tout le reste a l'air aussi très bon, peut-être pas aussi bon que celui-ci, mais vraiment un bel album de Marilyn Manson qui sort un peu de ce qu'il sait faire, qui va un peu ailleurs et ça fait du bien. Pour conclure cette émission, je vais passer un titre que j'ai toujours rêvé de passer en radio. C'est peut-être un peu pour ça que je suis là. Alors, une fois que ce sera fait, peut-être que j'arrêterai la radio, je sais pas. Et il s'agit de la conclusion de Radio Cortex 2, donc l'album d'Erwan dont on parle depuis le début. Et le titre s'appelle Silence Radio. Et même si vous aimez pas le hip-hop, je vous prierai de faire l'effort d'écouter attentivement et jusqu'à la fin. Parce que je crois qu'aucun titre, personnellement, ne m'a jamais parlé aussi directement. Vraiment, il est incroyable, c'est complètement surréaliste, mais allez jusqu'au bout. C'est un grand moment de musique, c'est la conclusion de Radio Cortex par Erwan. Des lambeaux de tissu brûlés traînent sous les nuages dilués dans un bleu passé. Les anges déchus mirent leurs échecs, leurs fesses molles dans des strings serrés. Sexe sont flétris dans le reflet d'un fleuve angoissé. Leurs pieds s'écrasent sur des nénuphars et s'enfoncent dans la vase sous un soleil noir. Les damnés traversent la boue, la tête penchée en arrière comme des africaines à long cou. Des libellules titillent leurs oreilles, des adolescentes aux cordes vieilles sirotent un lait fraise. Leurs gestes délicats traduisent leur malaise, des autruches plongent la tête sous sa bête en direction des étoiles. Plus aucun élément n'a su tout ce qu'on semble rien elle se poursuit au défilé des médiocres. Plus personne ne lutte, les rêves se bradent à la crier comme de vieilles putes. Des portes à battants tentent de se toucher. Un cow-boy de série Babies les pousse violemment pour perpétuer le supplice. Un parterre de coco s'offre sur une pente abrupte. Les martyrs jouant du pipeau rappent leurs pieds et reculent. Sur les mouches des adhésifs, sur les cendres qui sont des siphons. Des dents claquent sur le marbre qui fume. Un oreiller s'éventre en laissant jaillir ses plumes rouges. Des carcasses de bagnoles recouvrent l'infini. Le trou noir est un pot d'échappement, plus de sortie. Des bourgeoises décolorées crachent leur haleine putride sur les indiens peinturlurés de rouge à lèvres. Sur les bouches des adhésifs, sur les cendres qui seront des siphons. Des siphons. Comment vous dire ? Hé ! Hey ouais, toi ! Quoi ? Tu m'écoutes derrière ta chaîne ? Quoi ? Ramène-toi vite ! Ouais ! Ramène-toi ! Approche ! Ouais ! Je suis enfermé dans la boîte ! Ouais ! Ils veulent me formater ! Ils ont piraté ma radio pirate ! Oui, parfaitement ! Regarde, regarde ! Viens, viens, viens, approche ! Ouais, quoi ? Tu vois le tableau des fréquences ! Ouais ! Au bout à droite ! Ouais ! Après le 107 ! Là ! Le 108 ! Ouais ! J'ai l'argent au fond de la boîte ! Sors-moi de ce cauchemar ! Oh oui ! Reste pas gars ! Non ! Dépêche-toi, j'ai peur du noir ! Il faut me sortir de ce crack là ! J'ai des électrodes sur le cerveau, j'entends la craie sur le tableau, le bruit dans l'acier du couteau. SOS radio, va chercher un marteau, casse les métiers radio, j'ai la tête sur le pillon, ils veulent me poser le silence radio. Pas parler non, hein, hein, j'ai pas parlé à personne. Si t'as parlé, si on t'a entendu. Ils veulent me rayer, ils veulent me rayer, ils arrivent. Pas parler, ils arrivent. Non, arrêtez, j'ai rien fait. Si t'as fait, j'ai rien fait. Ah, va le dire. Non, j'ai rien fait, je veux pas ça. Sors-moi de la boîte. Moment avec Erwan, moi je voilà, ça y est, j'ai pris mon pied à la radio, je suis épanoui. Merci à tous et à toutes, avant toute chose, d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Cette émission pirate sur une radio presque pirate, la radio des Boutières. Et voilà, on est pas mal revenu sur le cas d'Erwan, donc Erwan que vous avez pu écouter dans Soviet Suprême, dans Java et sur ses albums solo, Erwan, les Radio Cortex notamment. Il y a aussi un autre album, je crois, qui s'appelle Peau Rouge aussi. Donc on est passé par la Caravan Pass, on est passé par Dominique A, par Trio, par Louis Delors and the Shepherds, par FM New Popular Music, par Ash Burns, par Marilyn Manson et par Blake. Donc le troisième album est en cours de sortie. Vous pouvez évidemment vous y intéresser. Et bah voilà, cette émission spéciale pirate est finie et bah j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à partager vos découvertes sur la page Facebook Zekactu RDB. Et puis voilà, si j'avais une émission pirate, finalement, je finirais l'émission quand je veux, à 21h04 par exemple, si je veux, je pourrais dépasser 2 minutes. Et si j'avais une émission pirate, et ben à un moment je rendrais l'antenne. Et là, on se retrouverait sur l'antenne régulière d'une autre radio, de la radio locale, et il pourrait se passer tout et n'importe quoi. On pourrait retomber sur n'importe quel titre. Des fois on tomberait sur Dr Alban, des fois sur chez Boris ses soirées disco, et ce soir on va tomber sur la bamba de Los Lobos. Bonne soirée à tous, écoutez de la musique et rendez-vous dans 2 semaines.